toujours plus de nouveautés dans l'émission Hellebanger de ce soir, puisque la doublette à venir, c'est tout simplement une doublette de nouveautés. On a tout d'abord Ecclesia, formation de Heavy Doom, active depuis 2016, et qui vient tout juste de sortir son nouvel album. On est toujours dans l'aspect française. On est sur un croisé Epic Doom et Heavy traditionnel, d'inspi Grand Magus ou plus récemment Crypt Sermon, le tout sur la thématique de l'Inquisition. Ça va des hérétiques à la chasse aux sorcières, autour du XIIe siècle. Les titres ne sont pas trop longs, un chanteur très très versatile, hein, et avec de belles montées aiguës. Et le vocaliste, c'est Monsieur Arnvald, chanteur et leader de Descott Society, qui est également membre dans Glaciation. Là, on a sa facette beaucoup plus heavy, et on est limite sur des lignes vocales parfois type power metal. Et bon, bien sûr, hein, ça se renifle un peu le cul, puisque chez Ecclesia, c'est également le cogneur de Descott Society, au passage également de Glaciation. Autre nouveauté dans l'aspect française, Grand Froid, récente formation qui nous vient du Mans. C'est la toute première sortie studio qui vient juste de démouler. 7 titres pour 25 minutes, on est sur du crust-punk, blackening sludge. C'est crasseux, c'est haineux, c'est baveux. C'est très bien foutu, et pour un premier effort studio, ça fait méchamment le taf. Au niveau des inspirations, on peut aller chercher du côté des débuts d'un Fange ou même Pylori pour le côté vraiment sludgy Blackening Crust. Les présentations sont faites. Au niveau de ce qu'on va s'écouter, alors pour les présentations, Ecclesia, If She Floats, extrait de l'album Ecclesia Militants. Grand Froid, A Rhetoric of Absence, extrait de l'album Sacred. Et c'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, Traveler, Lunar Spells, pas de nouveauté là, des formations qu'on s'est déjà écoutées ces dernières semaines. Traveler, tout d'abord, les cousins venus du Canada, actifs depuis 2017, la formation de Heavy sort là son troisième effort studio, un Ivy un peu plus mature, qui laisse de côté certains accents heavy speed présents sur les deux premiers albums. C'est un peu mélo, la fougue est quand même toujours présente, et en termes de comparaison, on va trouver ça beaucoup plus convaincant qu'un dernier Enforcer, par exemple. Lunar Spell, ensuite, changement radical de style, là on est sur du black metal grec, la formation a vu le jour en 2020. 5 titres, plus une interlude, chaque morceau fait entre 6 et 7 minutes. Un black metal plutôt rao, viscéral, et qui va chercher ses inspirations du côté de la scène finlandaise. C'est brut, c'est mélancolique, le résultat est classique mais très bien exécuté, donc on va pas bouder notre petit plaisir. Au niveau des titres choisis, Traveler, le morceau Vagrants of Time, extra album Prequel to Madness, Lunar Spell, Necromantical Glorification, extra album Sacraments of Necromantical Empires. On s'écoute ça tout de suite. We want to. Pour la suite, Stygian Crown et They Came From Visions. Pareil, pas de nouveauté dans cette dernière vraie doublette dans la diff de ce soir. Stygian Crown, c'est une formation qui nous vient de Californie. On a rarement diffusé autant de Doom dans une émission Hellbanger. Voilà, du Epic Doom actif depuis 2018. Le second effort studio vient de sortir chez Cruz del Sur. C'est une femme qui tient le micro, donc ça n'est pas sans nous rappeler un Smolder. Mais dans les inspi musicales, c'est assez traditionnel à la sauce Candlemas Solitude et Eternus. C'est pareil, on n'a jamais autant cité Candlemas dans une émission. Il n'y a pas vraiment de longueur, ça prend une dimension épique, massive, et ça s'écoute très très bien, Stygian Crown. They Came From Visions, là on est sur quelque chose de beaucoup plus brut et viscéral. Un projet black metal qui nous vient d'Ukraine, qui va chercher ses inspirations dans le folklore horrifique d'Europe de l'Est, plus particulièrement évidemment de l'Ukraine. C'est le second effort studio qui voit le jour, le premier était sorti en 2020. C'est très riche, ça va nous rappeler certaines influences à la sauce Droutk. Et voilà, ça reste du black metal très très très Europe de l'Est. Au niveau des morceaux choisis, Stygian Crown, Strait of Messina, extrait d'album Funeral for a King, They Came From Visions, le morceau Equinox Ablaze, extrait de l'album The Twilight Robes. C'est parti! The scorn of your lover. Doublette suivante, on va se réécouter deux très très bonnes sorties de ces quelques dernières semaines, parce qu'on aime bien et qu'on aime bien mettre les groupes qu'on aime bien en valeur. Warsdopt, donc, avec un dernier extrait de leur tout nouvel EP Immortal Pain, qui est sorti à la fois chez Beatdown Hardware pour l'Europe et Death Style Records pour les US. C'est pas rien. On s'écoutera le titre Runation. Et ensuite, un nouveau titre des morceaux des Espagnols de Iron Curtain, le groupe de Heavy Speed Trash, Savage Dawn, c'est le nom de ce nouvel effort studio longue durée. On s'écoutera le morceau Rattlesnake. Et c'est parti. Et pour la doublette de clôture dans l'émission de ce soir, vous n'êtes certainement pas passé à côté de l'annonce totale de l'affiche du Ripfest qui a été démoulée dimanche dernier. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine pour la prochaine émission que l'on fera en direct. On décortiquera un peu tout ça et puis bien sûr dans les mois à venir on aura certainement l'occasion de recevoir des membres de l'association pour nous présenter le festival à venir, 8e édition. On se fait donc une petite sélection de doublettes ce soir avec une sortie de 2019. L'album s'intitule Surface Noise et c'est un titre de Judiciary qui nous avons donc choisi. Bien content d'avoir l'Erika en terre tourangelle cet été. Karma's Knife, c'est le titre que l'on va s'écouter. Et en doublette de la bonne débilité allemande sur fond de Beatdown, Words of Concrete, un groupe bien mouse en la matière. Negative Vibes, c'était sorti en 2018, et on s'écoutera le morceau Touched by Hell. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous, bonne fin d'écoute, et rendez-vous dimanche prochain. Là, ce sera pour une émission en direct. Ciao, ciao. Bring it down. leave this place with no regret. Forever and deliver, no one to never there. But live it for you, so they say to them to survive. Good feelings, they got no control. Good feelings, they got no control. Build it down, bleed it out. Leave this place with no regret. Forever and never, no one to never tell. What's the best for your soul? Forever and never, no one to never tell. What's the best for your soul? Tonight it goes to drown. You're feeling weak when there's no way out. They're bleeding peace. Feels like the veil touches your feet. Your eyes look like fire. Open down, feed the beat.